Placé où je suis, je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.